bonjour à tous, nouvel épisode exceptionnel de la JDR Academy puisque nous sommes en vrai, nous sommes autour d'une vraie table avec des vraies personnes. Donc je suis aujourd'hui avec 2001, salut 2001, yo, avec Sartman, comment ça va? Impeccable, et je suis avec un nouveau joueur de la JDR Academy, José. Ravi d'être là. Bienvenue José. Bienvenue, merci. Je suis Riley, votre maître du jeu, et nous allons jouer aujourd'hui à Aria, un jeu écrit par Fibre Tigre, et figurez-vous, petite anecdote, que c'est un jeu créé à partir d'un actual play, donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire s'enregistrer nos parties. Donc à partir de leur émission, ils ont sorti un jeu et auquel on va jouer aujourd'hui. On leur rend hommage un petit peu. On leur rend carrément hommage, donc il y aura peut-être des dédicaces dans l'épisode. Nous jouons précisément avec ce qu'ils appellent le prélude, donc c'est une sorte de kit d'initiation du jeu qui est sorti en PDF et que j'ai reçu parce que j'ai pledgé le jeu. Peu importe. Donc je vous laisserai vous présenter pendant la partie, juste l'univers, un tout petit point sur l'univers. C'est un jeu médiéval fantastique, sans race, donc il n'y a pas d'elfes, de nains. Quoi d'autre? Il y a de la magie, vous n'avez pas trop voyagé au début, d'ailleurs vous ne savez pas vraiment où vous êtes sur la carte qu'il y a devant vous et que je mettrai sur le site évidemment. On sait ce qu'on doit faire ou pas du tout même? Ah non, vous savez pas. D'accord, on sait pas du tout, d'accord. Bah vous êtes, c'est un jeu en fait open world, c'est ça le concept, c'est-à-dire que vous pouvez aller partout, faire ce que vous voulez. Évidemment, je vais peut-être vous guider, mais vous avez le droit de partir totalement à l'opposé de ce que j'ai prévu. Bien, c'est parti, vous êtes chaud? Là, complètement, allez. C'est la nuit dans une forêt, et en ce lieu dont on a oublié le nom, plusieurs héros sont autour d'un feu. Différentes circonstances vous ont réunis, mais une en particulier semble commune à chacun d'entre vous. Vous avez tous fui votre passé, que ce soit vos crimes, ou les autres, ou vous avez fui vos obligations, ou c'est tout simplement un choix de vie. Autour de ce feu, il y a toi, José, qui es-tu donc? Je suis Ricardo Veron, j'ai 41 ans, et je suis un chevalier errant du rideau exilé. Je cherche à prouver ma valeur. Très bien. Mais à dire la vérité, j'ai été refusé parmi mes collègues. Ah. Parce que je néglige la bonne santé de toutes les potentielles victimes, témoins, passants. Des voilà. Dommages collatéraux. Tout à fait. Tu t'engages à maintenir cet accent pendant toute la partie, Ricardo? Eh oui, Ricardo Veron, il parle comme ça. Il parle comme ça. Il parle que comme bon ça. Bon courage. Et tu ressembles à quoi physiquement, Ricardo? Eh bien, j'ai 41 ans, j'ai un peu timide, et j'ai une très belle moustache que je dois paraffiner tous les matins. Tu es un peu serré dans ton armure, donc? Un petit peu. En face de toi, il y a un jeune homme, c'est toi, 2001. Qui es-tu? Je suis Mouche, donc je suis un petit écuyer de 14 ans. Je suis populaire dans les quartiers, tout le monde me connaît. Ah, rien, tout le monde te connaît. Je connais à peu près tout le monde, sauf que le problème c'est que j'ai une mémoire de poisson. Je me rappelle de pratiquement pas grand-chose. Très bien, donc tu ne connais personne. Tu ne reconnais pas les gens. Oui, je me dis que le visage me dit quelque chose. Je les confonds et il me semble les avoir vus quelque part, mais j'ai un doute. Tu les connais tous, mais tu les mélanges en fait. C'est ça, je les mélange. C'est ça. Parfait. Donc t'es un jeune homme physiquement, comment t'es? Brun? Je suis petit, brun, un peu maigrichon, parce que j'ai du mal à manger. Enfin, je suis un petit gars des rues. D'accord. Et autour de ce feu, il y a un homme. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi, Sartman, qui es-tu? Je m'appelle Thierry. Thierry, je suis un aventurier. Je suis alchimiste également. Et oui, alors je suis génial parce que mes talents de chanteur sont connus dans le monde entier. Parce que j'ai 45 ans et dans ma jeunesse, j'étais un petit chanteur un peu connu quand même. D'accord. Tout le monde me reconnaît, c'est un peu relou d'ailleurs. C'est une sorte de Patrick Hernandez, vous voyez, qui a fait un tube dans les années 70 et tout le monde le reconnaît. D'accord, donc là, tu as fait un tube très connu dans le monde de Daria. C'est ça. Ok. Voilà. Tu nous le chanteras peut-être à l'occasion. Non, je ne chante plus. Je chante plus pour pas remettre. Non. Mais je chante d'autres choses si vous voulez. Mais pas ce tube en tout cas. Et alors, la société, t'es rejeté par ta société? A des problèmes avec toi? Bah oui, parce que ce changement, quand j'ai arrêté la chanson, je me suis pris de passion pour les habits féminins. Et je m'habille uniquement avec des habits de femmes. Ok. C'est très très très mal perçu. Je ne sais pas pourquoi, par la société. Je comprends pas. La société n'est pas prête peut-être encore. Bah non, mais bon, c'est un peu. Enfin, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont un peu plus cool. Mais globalement, non. Globalement, je suis un peu rejeté quand même. Ça fait une belle équipe en tout cas. Ricardo, Mouche et Thierry. Merci. Donc, après vous êtes présenté, en ce soir, sous des étoiles propices, vous avez décidé de contrer le sort. Avec votre talent, vos connaissances, votre finesse et votre force, vous pourriez vous emparer d'un destin de gloire et de richesse, et peut-être de noblesse. C'est le début d'une grande aventure. Quelques jours après votre ardente discussion sur vos projets d'avenir, l'aventure est moins reluisante. Vous n'avez plus un sou et pas vraiment à manger. Vous êtes au milieu d'une forêt, loin à l'ouest du royaume d'Aria, aux frontières d'un lieu appelé le Pays Mon. Heureusement, vous avez quand même un plan pour le dîner de ce soir, car face à vous, un énorme sanglier au groin sanglant se tient prêt à vous attaquer. C'est parti, on commence donc par un combat. Vous êtes tous les trois face à un énorme sanglier au détour d'un fourré. On va faire d'abord un petit jet d'initiative pour savoir qui passe en premier. C'est un jet sous réflexe. Vous avez tous une compétence réflexe. Celui qui fait le score le plus bas commencera. Et si vous faites un échec, et ben vous passerez en dernier. Non, moi j'ai perdu par exemple. Ah, c'est-à-dire ? Moi j'ai en réflexe, j'ai 55 et je fais 84. Moi j'ai réflexe 75 et j'ai 43. Très bien. Moi je suis à 50 et je fais un 22. Oh, oula, le prodige. Je mouche. Toi, Thierry, pardon, ça va rentrer. T'étais peut-être en train de pisser. Enfin, t'avais le dos tourné quand le sanglier est apparu. Les autres qui t'ont prévenu. Un four, ce soir. Car tout de suite, Ricardo s'est mis en position de garde, hein, j'imagine, dès qu'il y a un danger. Tout à fait. Il y a eu de la nourriture arrivée et je me suis levé. Et le jeune prodige qui est vif comme l'éclair, c'est toi qui commence à jouer. Qu'est-ce que tu fais, mouche? Je dégaine ma dague et je fonce le sanglier. D'accord, très bien. Donc tu fais un jet de combat rapproché à la dague et tu te jettes sur le sanglier. Sachant que en fait mon perso est à 50 partout. Ah oui, donc, c'est vrai. Moi je suis mi-fig, mi-raisin, je suis François Bérou, tu vois, c'est ça. Donc faut que tu fasses moins de 50. 23. Parfait, donc tu décoches un coup de couteau, c'est ça, un petit... Dague, ouais. Combien ça fait de dégâts, cette dague? J'ai un D4. Ah bah voilà, tu lances un D4, et tu me dis... Un D4, c'est les dés pyramide, en pyramide. 3. 3, donc tu fais 3 dégâts sur ce pauvre sanglier. Tu lui fais une balafre sur le côté, et ensuite, il commence à foncer vers toi, Ricardo. Très bien. Et il prend ma pertuisane et il va essayer de lui sortir une petite tranche de la cuisse pour commencer à découper du jamon. Très bien. Combat à distance. Avec une lance, oui. Avec une lance. Et j'ai 55. 41, c'est bon. Tu touches. Et ça fait des dégâts peut-être une pertuisane. Ça fait du D6. Ah seulement. Très bien. Tant mieux. Ah 1. 1. Et juste une petite tranche. C'est ça, c'est juste l'apéritif. Il a essayé de t'esquiver, t'as essayé de le... C'est peut-être lui qui a peur de vous maintenant. Tu l'as blessé sur le côté, maintenant il fonce sur toi, malheureusement, Thierry. Alors, ce sanglier, il a l'air amoché ou il a l'air encore plein de vigueur? Là, il est. Il tient la route encore. Hein, là. Mais il cherche à fuir. Sauf que t'es sur son passage. Ah! Les coups de couteau et de pertuisane l'ont vexé, il a envie de partir. Faut rappeler le contexte, on a faim, c'est ça? Oui. On aimerait bien le bouffer, ce sanglier. Oui. Parce que moi, alors moi j'ai deux options. Je vais peut-être faire un conseil avec mes coéquipiers. Moi j'ai l'option, moi j'ai une fronde. Je m'appelle Thierry, donc j'ai une fronde évidemment. Mais je peux également créer des potions. Et je peux faire une potion d'explosion. Ah ouais, mais là t'as pas le temps de la faire, la potion, avant qu'il y ait le mec. Ah, ça me prend du temps à faire la potion. Ah bah oui, tu peux pas faire ça face à un sanglier qui te fonce dessus. Je suis très très fort. Il aurait fallu préparer une potion à l'avance, mais tu commences en slip. Non, je vais faire un coup de fronde alors, un coup de fronde. Comment ça se passe Alors tu fais un jet de combat à distance, et faut que tu fasses moins de... Faut que je fasse moins de 65 et je fais 61. Bah c'est bon, ça touche. Donc la fronde fait combien de dégâts? 4. 4 dégâts, oula. C'était un des 6 et je fais 4. Très bien joué. Bah écoute, au dernier moment, tu envoies ta fronde entre les deux yeux de l'animal. Bim. Et qui, tu vois, il s'écrase devant toi, il glisse un petit peu et il finit à tes pieds. J'ai l'image. Vraiment Renmore. Ouais, j'ai l'image. Alors vous vous occupez du sanglier, vous le découpez en morceaux, comment vous faites? Qui a la meilleure compétence en cuisine, les gars? Il n'y a pas cuisine, hein. C'est survie plutôt. Moi je peux le faire, mais j'ai une chance sur deux de le cramer. Hein. Moi il y a 55. Bah moi j'ai 65 en survie, donc c'est à moi de le découper, c'est ça? Ah bah si tu veux. C'est toi les chefs. Pendant ce temps-là, les deux autres, vous pouvez faire un jet de perception. Donc je prépare le sanglier. Je fais 32 en sachant que je suis à 50. Moi je fais 82 et je suis à 45. Ah, donc toi t'es plutôt Ricardo concentré sur le sanglier, hein, sur la découpe. Ricardo il regarde le sanglier. Fais-moi ton couteau là, Ricardo, j'ai besoin. La découpe est très sexy. Il me faut un truc tranchant. Je suis en train de saliver. Mouche, là où vous avez vu le sanglier apparaître, tu remarques des taches de sang qui ont l'air de se prolonger dans la forêt, sur les feuilles, tu vois. Que le sanglier avait pas l'air blessé avant que vous le fassiez vous-même? Sache, du coup, je prends une torche et je vais jeter un coup d'œil de voir. Enfin, je suis les traces de sang, voir où ça mène. Tu préviens les autres que tu fais ou non, j'y vais d'instinct. L'impétueuse jeunesse. Et oui. Au bout de 2-3 minutes à suivre les traces de sang sur les feuilles, tu vois un homme assis contre un arbre, blessé. Il a l'air évanoui en tout cas. Ou mort peut-être. Du coup, je me porte des vêtements abîmés en cuir style marin. Du coup, moi, je m'approche en sachant que dans ce que j'ai une besace, j'ai une canne de marche. Ok. Du coup, je prends ma canne et je le touche pour voir si de loin s'il est mort ou s'il réagit ou pas. Ah, là, le mec se réveille. Là, vous avez entendu donc crier un râle d'agonie tous les deux. Et moi, je fais un bond parce que j'ai eu peur. Il m'a fait très peur. Que faites-vous? Est-ce que vous allez au cri ou vous restez sur le sanglier? Thierry, est-ce que tu as entendu ce bruit? Ouais. Il faut que tu ailles regarder ce qui se passe. Ouais, moi, je suis sur le sanglier. Je reste ici et je surveille le sanglier. Mais Ricardo, quel trouillard, c'est Ricardo. Moi, je dois faim, je crois. Bah, je te file mon couteau et c'était ton couteau, je crois. Et je cours voir vers Mouche. Mouche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un mec. Il était KO, je sais pas. Voilà. Ah. Et là, il est pas là en forme. Il a mal, je sais pas. Il a mal. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous êtes malade? Alors, vous pouvez tenter de faire un jet de soigner, en tout cas, tous les deux. Voir si vous pouvez l'aider. Je suis un peu maladroit, je me répète. Je fais un 50. Moi, j'ai 65 en soigner et je fais 3. Ah ouais? Je crois qu'il est guéri tout de suite, là. Alors, il n'y a plus le cancer, il n'y a plus rien. Malheureusement, il n'est pas du tout guéri, mais tu vois qu'il est gravement blessé, sûrement une blessure de sanglier. Il s'est fait perforer par un sanglier. Il faut absolument l'emmener voir un vrai médecin, et tu peux le faire tenir quelques minutes de plus, peut-être l'aider à soulager sa douleur, mais il y a des fortes chances qu'il y passe. Est-ce que, entre-temps, pendant qu'ils sont en train de faire oui. n'importe quoi, je peux tenter de voler une jambe de... pour la mettre dans ma besace ou dans mon sac? Oui. D'accord. Mais je te peux même pas jeter les dés, tu voles. Enfin, il y a personne qui te regarde. Il y a personne qui regarde. Vous êtes que tous les trois. Ouais. Les temps sont un peu difficiles. Donc tu voles de la bouffe aux autres. Tout à d'accord. Fait. Il faut se dire que ça va être difficile dorénavant. Il met une cuisse de sanglier dans ma poche. Très bien. Il parle, on peut parler avec lui, ce gars-là. Et là. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, là? C'est le sanglier qui vous a fait ça? Oui, un énorme sanglier, il est très dangereux. Dangereux, c'est vite dit, hein. J'étais perdu en forêt, je devais porter un message, et je suis tombé sur ce monstre. D'accord, mais c'est pas grave, votre message, ça attendra, il faut surtout vous soigner, monsieur. Il est en train de s'évanouir. Le balance des claques pour le ramener. Il faut aller à Valcouleur. Valcouleur, c'est où ça? C'est là où je dois aller. Emmenez-moi ou portez le message pour moi, il vous tend. Un parchemin. Parchemin. Voici un parchemin avec une langue que vous ne parlez pas, j'espère. Non, moi je connais pas cette langue. Et Valcouleur, je suis en train de regarder ma carte là. Ouais, je sais pas, moi je suis perdu là, sur la carte. Si vous m'aidez, vous serez récompensé à votre juste valeur. Vas-y, on y va. Oui, alors, mais c'est à qui c'est qui la personne qu'on doit contacter, Valcouleur? Fatima. Fatima. Fatima Velasquez. Fatima Velasquez, ok. Et ça se trouve vers où? C'est plutôt le nord ou le sud? Parce que je la vois pas sur ma petite carte. Hein. Valcouleur? Oui. Alors, c'est pas loin du pays Mon, où vous êtes à la frontière. Ah oui, du pays d'accord, Mon, on est fait. Tout près. Vous êtes pas loin, effectivement. Mais c'est facile, mais ok, mais, oui, bon, on va le faire, vous inquiétez pas. Et vous appelez comment, monsieur? Ah, alors, figurez-vous que dans l'émission Game of Roll, les PNJ, les personnages que vous rencontrez, sont nommés d'après les subs Twitch. Donc, c'est des gens qui regardent d'accord. Les émissions et qui s'inscrivent. Donc, ils ont des noms, des fois, des pseudos. Donc, j'ai décidé, pour cette partie, de faire la même chose avec les gens qui ont commenté les trucs de la JDR Academy depuis qu'on existe. Donc il s'appelle... Cette personne mourante s'appelle... Il s'appelle Belette Masquée. Il y a Belette Masquée qui a commenté le podcast. Merci, Belette Masquée. Donc, Belette Masquée, je suis un aventurier. Ok. Il s'évanouit. Ok, merci Belette Masquée. Oui, mais elle a l'air en petite forme, Belette Masquée. Qu'est-ce qu'on fait, Mouche? On ramène au camp On va essayer de lui préparer un petit... Comment dire? Une civière, un petit les amis, ça va là-bas? C'était quoi le bruit? On le porte au camp et on va au camp. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous le blessez. C'est un D4. Vous l'avez déplacé, donc c'est des dégâts qu'il prend en plus. Mais il est blessé où en fait déjà? Alors, il est perforé au niveau du ventre. Il tient ses tripes avec la main, quoi. Ah, il tient ses tripes! Il fait un D4, c'est les dégâts que vous lui faites à le transporter. Moi, je fais 1. Ça vient, t'as de la chance. Je fais 4. Non, c'était juste un. C'est vous le portez à deux, j'imagine. Okay. Il a pris qu'un point pour l'instant. Bah, Belette Masquée, calmez-vous un petit peu, on va vous soigner, tout va bien. On vous met là au chaud. Tu les vois débarquer en train de porter un mec. Ah, Dios mio. Lourd, hein. C'est qui celui-là? Alors, ça, il s'appelle Belette Masquée, et c'est un aventurier qu'on a croisé dans la forêt. Un messager plutôt, j'irais. Ouais. C'est vrai que c'est un messager. Et c'était vous qui avez fait ça? Je crois que c'est le sanglier qui l'a un petit peu amoché. Il est prêt, le sanglier, Ricardo? Et je pense que votre ami avait attaqué le sanglier avant nous parce qu'il avait une jambe en moins. mais il est préparé le reste. Tout est prêt. C'est vrai, quand on l'a combattu, je n'ai pas remarqué tout de suite, mais oui, il avait peut-être que 3 jambes. Il galopait bizarrement. Je ne m'en rappelle pas, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas du tout. Ok, donc vous marchez en direction de Valcouleur, là où vous estimez... On va casser la croûte quand même, on n'est pas des bêtes. Ah, vous mangez avant, d'accord. On mange le sanglier. Vous laissez crever le mec un peu plus, très bien. Vous pouvez lancer un autre D4 du coup. On lui donne du sanglier, ça va le revigorer, non? Il n'arrive pas à manger, il est évanoui. Effectivement, on n'est pas très très loin, on peut manger. Et puis nous, on était pays de Mône, c'est ça? Oui. Mmh. Oui, on n'est pas très loin de Valcouleur, donc on y va. Faut aller au sud. D'accord, ok, d'accord. Bien sûr, c'est une mission. Il faut prouver sa galanterie. Et il faut aller connaître cette... Fatima Velasquez. J'avais pas marqué son nom. Donjons et Dragons, entrez dans un monde qui défie l'imagination. La légende est devenue un grand film, Donjons et Dragons. Une aventure fantastique, une édition DVD prestige qui va vous enflammer. Vous pouvez contrôler les dragons. Est-ce que nous, on est juste à pied? On n'a pas de... Vous n'avez pas de monture, non? Allez, ça va vous prendre peut-être une petite journée de marche, quand même. Un peu moins d'une journée. Mais donc oui, on attend le matin. On part au matin. On dort tranquille. Donc vous allez le transporter comment, du coup le... On a fabriqué une civière avec des... Fais un jet d'artisanat. Je suis méga fort en artisanat, si tu savais. J'ai 75. Et je fais 73. Tu fais de justesse une civière, mais peut-être qu'elle va pas tenir tout le trajet. Le mec peut-être se cassera la gueule à un moment donné. Vous commencez la marche et vous tombez sur une route à un moment donné. Vous sortez de cette zone perdue avec un panneau. Est-ce que, alors, parce que dans ce monde, Arya, lire et écrire, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc vous avez une compétence qui s'appelle lire et écrire. Est-ce que l'un d'entre vous peut lire le panneau? C'est encore à moi, je crois. Je peux essayer de déchiffrer, mais bon. Je suis 75, moi. Parce que s'il y en a un qui roule lecture et que ça foire pour tout le groupe, ou c'est juste une personne qui... Non, vous pouvez tous essayer. Ça dépend, des fois ce sera le cas, des fois non. Parce là, vous avez toujours le droit d'essayer de lire. Parce que je pense que je vais toujours devant pour ouvrir le passage. Et j'ai vu ce panneau et j'ai décidé de... C'est quoi sur le panneau, Ricardo? Je vois rien, moi, d'ici. Et nous, on est avec le Belette Masquée. 79. J'ai pas mes lunettes. Momentito, por favor. Je dois me rapprocher un peu pour lire doucement. Et du coup, ce que fait Ricardo en ce moment, c'est prendre le panneau et le tourner dans tous les sens, mais en écartant du bras, comme font les vieux quand ils essayent de lire des textos. Moi, je me rapproche. Et j'ai 75 en lecture. J'aime lire. Et je fais 60. Donc tu vois écrit, vous entrez dans le fief des tempêtes. Qui n'est pas écrit sur la carte, mais c'est juste... On se rapproche de Valcouleur quand même. Exactement. Vas-y, lis-le à voix haute. Nous entrons Dans les... Attends. le fief... Les fiefs des... Tu vois, la D. D-E-S, ça fait D. Tempête. Et tempête. Tempête. Vous gagnez 1% Ricardo et Mouche en lire-écrire. Waouh, trop bien. Le fief des tempêtes porte bien son nom puisque, en fait, à peine vous faites 3 pas sur cette route que vous sentez un vent très puissant qui vient de face. Et ben, vous allez en chier pour finir le trajet, hein, tout simplement. C'est lourd. Et le pauvre Belette Masquée est en train de mourir. Il faut lancer un autre D4. Vas-y, Mouche. 3. Ça fait mal pour Belette Masquée. Mais en fait, il est comment le Belette là? Il est très très mal ou... Il est blanc, ouais. Blanc, ok. Belette, vous avez mal où, Belette? Il lève sa main et vous voyez ses intestins sortir de son... son ventre. Il a mal. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous voyez, toi, tu as l'œil en tant qu'alchimiste, c'est infecté. Ah, ça. Personne n'a un pansement ou un cataplasme dans les poches? Moi, il y a un cataplasme. Ah, attends, je me suis rappelé d'un truc, moi. Pour une fois, il faut noter. C'est vrai que j'ai pas regardé. Tu peux tenter aussi un jet de soins. Je peux essayer de lui appliquer un petit pansement. Ok. Un peu de gel hydroalcoolique sur la plaie. T'avais soigné comme compétence, je pense. Soigné 55. Oui. Et 51. 51 Il lui met. Tu lui remets les doigts. Il lui met un pincement sur le front. Et visiblement, ça marche un tout petit peu. Non, il perd un point de vie supplémentaire. C'est la mauvaise médecine. C'est vraiment pas bon. Je vais vous demander, vous voyez, le temps est compliqué. Il n'y a pas de pluie encore, mais vous sentez que ça peut tomber des gros nuages gris. Dans mes possessions, j'ai un traité de météorologie. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un bouquin qui parle de météorologie. Donc, tu connais. Peut-être que tu peux le consulter. Oui, si tu veux. Pour cette tempête. Ok, donc tu peux faire un jet de connaissance des secrets, du coup. Et je fais 56. Je consulte donc mon traité de météorologie à la recherche d'une explication. Eh bah, bien, tu as une explication un peu... Finalement, tu as l'expérience, mais c'est écrit dans cette sorte de guide. Et le fief des tempêtes, c'est une région bien particulière d'Aria qui n'est pas protégée par des montagnes ou des falaises vers la mer de la Morsure. Et du coup, il y a un vent violent qui vient de cette mer en permanence. D'ailleurs, il y a énormément de bateaux qui s'écrasent sur la côte. Le Mistral. Donc, en général, on essaye de passer un peu loin de cette côte quand on passe en bateau. Mais c'est un truc qui est en constant depuis des siècles et il n'y a pas d'explication autre que ça. C'est un peu comme la Bretagne, finalement. Et on est loin de la côte, là, ou pas? Je vois pas où sur la carte. Bah, en fait, à une centaine de kilomètres de la côte. Parce que nous, on va pas à la côte, on va là. Remonter vers le nord. Ouais. D'accord. Okay. Alors, je vais demander à l'un d'entre vous de lancer un des six. N'importe qui, mais un des six. Ah, c'est pas en fonction de nos compétences? Non, c'est juste pour le destin. Ah. Le dé du destin. Vous continuez votre marche avec votre civière. Elle est pas terrible, cette civière. Fais-moi un jet d'artisanat pour voir si elle ne va pas craquer. 75, hein, je rappelle, en artisanat. Je peux la réparer. Bah oui, je fais 36. Ok, non, elle tient pour l'instant. Une petite réparation. Voilà, tu fais une petite rustine pour que ça tienne. Et au détour du chemin, vous voyez une étendue d'herbe violette. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Oh, Dios mio! C'est sur peut-être un hectare de d'herbe. Tu as vu ça? Ça peut être violette. Utile pour tes potions. Oui, bah je fais identification de la substance là, obligé. Enfin, bah, je sais pas ce que je jette comme dé, mais vu que c'est mon métier, les. Bah, tu jettes les mêmes dés que d'habitude, c'est juste que tu dois faire moins que ta compétence identifier substance. Les ingrédients, tout ça, j'aime bien faire des potions, donc je me renseigne immédiatement sur ce que c'est. Et je fais 6. 6 ? Ouais, et j'ai 40% identifié substance. Alors tu es un très bon élève, tu as très bien révisé tes cours d'alchimie. Tu découvres immédiatement, tu comprends tout de suite, même si tu n'en avais jamais vu en vrai, tu les as vus dans les livres, c'est de la tibarine, une herbe spéciale qui te permet de faire des choses. Si je retrouve la page, je te dis ça. Bah, sans attendre une seconde, j'en mets plein dans ma besace. Hein. Vu que tu as fait un bon score, je peux te dire aussi, tu sais à quoi ça peut servir immédiatement comme une potion. Il faudra juste qu'ensuite tu la crées et que tu trouves un moment pour la créer. Mais tu peux, à partir de cette plante, endormir les gens. Une sorte de somnifère. Ok. Est-ce que tu créer une potion... Est-ce que tu nous l'as dit ou pas? Oui, moi je vous dis, oui, c'est des choses que je vous transmets immédiatement. Je partage. Je partage, moi, Ricardo. Vous voyez votre collègue ramasser quelques échantillons. Vous continuez votre route et lancez un autre des 6. 2. Donjons et dragons, 4 héros nous attaquent. Armée des ténèbres, unissez vos forces et anéantissez-les. Utilisez vos pouvoirs de créatures monstrueuses. Tendez-leur des pièges, empêchez-les de franchir les portes qui les mèneront jusqu'à moi. Je suis le maître du donjon. Ils ne doivent pas me vaincre. Donjons et dragons, devenez le maître du donjon. Il y a une petite colline et vous passez derrière la colline et vous entendez des cris. Sur le côté de la route se trouve une longère au toit de chaume, une longue ferme, munie d'un enclos où grognent des cochons. Et là vous voyez un terrible orisial, c'est un monstre. Il a cette gueule-là mais qui est quadrupède. Ah, c'est dégueulasse. C'est moche. Il fait plus de 6 mètres de haut. C'est une espèce de dinosaure mais dégueu. Okay. En fait, il a un très long cou et c'est comme une sorte de diplodocus, vous voyez. Mais il a la tête plongée dans la porcherie, il est en train de bouffer les cochons directement. Et là, il y a un paysan sort de sa longère avec une fourche, mais se fait renverser par l'orisial. Et là, il se tourne, il vous voit arriver. On se cache, nous, hein. Aidez-moi, messieurs, messieurs. Non, non, on n'est pas là, il n'y a personne. Attention. Aidez-moi. Et moi, je me lance sur lui et je sors de ma besace la cuisse de cochon que j'ai volée précédemment. Tu jettes devant le paysan? Et je jette entre le monstre et le paysan pour attirer son regard ailleurs, loin de nous, pas mal, dans une autre direction. L'orizial ou le paysan? Les deux. Les deux. Faire jet de combat à distance, du coup, pour lancer, c'est voir si tu lances bien. 10. 10 sur... Tu fais un magnifique lancer, le morceau de viande vient percuter l'animal qui s'arrête d'un coup, surpris, qui s'arrête de dévorer une des énormes truies du paysan et qui regarde le morceau de viande à côté. C'est un peu dégueulasse, il y a de la bave partout. Que faites-vous? Le paysan est là, aidez-moi, il faut sauver, mais il y a Rosie, il est en train de bouffer Rosie. Ouais, je sais pas, ça a l'air gros comme bête là, vous voulez y aller là, les gars? Les amis, il faut protéger les innocents. On va tuer des gens, mais... Il va peut-être mourir, mais il faut... Bah, allez-y, moi je prépare une potion d'explosion, là. Ok. Très bien. Ce sera encore un témoin de plus pour notre gloire. Moi, je m'occupe de Belette, moi. J'y vais pas, moi. Bah, vas-y, Ricardo, on te regarde, alors. Ok, donc, okay. Ricardo, tu fais quelques pas en direction de la créature. Toi, Thierry, tu tentes de créer une potion d'Ingramus. Donc, tu as deux potions de base que tu connais, en fait. Ouais, Ingramus, c'est le passe-muraille. La potion d'Ingramus, c'est pour créer des explosions. Donc, il faut que tu réussisses un jet sous 60%, c'est ça, Ingramus. Là, tu peux les rajouter sur ta feuille. Ah, bordel. J'ai fait 94. Ah, donc, pour l'instant, c'était un peu rouillé. C'est un peu rouillé. Ça fait longtemps que t'as pas fait cette potion, je pense. Ça fait une tisane. Et toi, bon mouche, tu protèges le blessé. Ouais, je fais semblant de m'occuper de Belette. D'accord. De Belette. C'est ce que tu fais, en fait. Ouais. T'essayes de tenter de le soigner ou tu passes juste tes mains dessus ou... Ouais, non, je fais semblant de travailler de... Juste pour pas participer au combat parce que ça pue. D'accord. Ricardo, tu es face à l'animal. Fais un jet de réflexe. Ok. Lui aussi. 53 et mes réflexes sont 75. Très bien. Il fait 52, c'est marrant. Il te voit approcher, il regarde le morceau de viande, il relève la tête vers toi, donc tu vois, il a un coup. C'est la moitié de son corps, c'est son cou en fait. Et il te regarde et t'es beaucoup plus intéressant à manger que finalement que cette cuisse de sanglier toute petite. Avec son cou, il se projette sur toi, tu fais comme un serpent. Est-ce que tu veux tenter une esquive ou parer? La différence, c'est que esquiver, tu pourras reprendre l'avantage. Ouais. Et si tu pars, donc c'est un jet de combat rapproché en fait, ouais. Tu peux infliger tes dégâts. Esquiver. 31 et j'ai réussi, je pense. Ouais. Ouais. Tu fais un magnifique pas de côté, le cou de l'animal passe à côté de toi. Mais je lui dis alors tu vas danser. Et je sors et je sors mon épée courte et je vais essayer d'être le décapité. C'est un peu le chapeauté en fait, Ricardo. J'ai l'impression. Ah bah oui. Moyennement, ouais. Avec un bide. Donc épée courte, c'est combat rapproché. 32 sur 70. Ça touche. Easy. Et ton épée du coup? Épée courte, des 6. 4 points. Oh. 4. Ok. T'es fort, t'es vraiment fort en bagarre, hein, ça, ouais, ça se vérifie, hein. On le sentait un petit peu, ça se vérifie. De loin, j'ai vu un très joli move. Hein. Bah moi, je suis... Tu lui mets décris-nous un peu ton geste, si tu veux. Et du coup, il est pas décapité, mais il est blessé. Il a essayé de se lancer sur moi, j'ai pivoté sur la droite et j'ai sorti ma petite épée. Et je lui ai enfoncé. Tu l'as planté. Ouais. Ouais, pas la jugulaire que je visais, mais un petit peu en dessous. J'étais un peu rouillé. Ah ouais, ah oui. Et donc il saigne un peu, et voilà. Ok, il saigne un peu, donc il remonte la tête en haut en hurlant un cri horrible qui réveillerait un mort. Est-ce que tu veux retenter ta potion? Oui, tout à fait. Bah oui, là je retente la potion Ingramus. Il recule, l'animal. Ah voilà, et là je fais 29. Très bien, donc tu as une potion, t'avais 5 fioles, donc t'as une fiole qui est remplie de potions d'Ingramus que tu pourras éventuellement lancer sur l'animal. Il ressemble à quoi? Il est bien, il est blessé? Il est blessé, il recule, mais il a pas dit son dernier mot. Moi je me précipite vers l'animal et vers Ricardo pour l'aider. Hein. Et toi, mouche, toujours au petit soin de... Ouais, je fais semblant de le soigner. Hein. Tu fais semblant? Je fais semblant, tout à fait. Fais un jet de soigner pour voir. Si tu rates, tu blesses. Je fais 72 au lieu de... Sachant que je suis encore à 50. Tu sais pas ce que tu fais, tu le tripotes... Je lui mets un doigt dans... Tu lui mets encore un doigt, mais... Il prend un autre D4 et il sera peut-être fatal. Si tu fais 3, il est mort. 3 ou 4, il est mort. 4. La chef. Là, tu vois, il crache du sang. Oh merde. Et Mouche, tout va bien là-bas? Ouais, ça va, t'inquiète, je gère. Il y a du sang qui sort de son nez, de sa bouche. C'est comme si le point de pression à la canne de survie. Là, ça a tout explosé. Quoi. Ouais. Et l'intérieur explose. Il te dit, il sent qu'il est prodigieux, cet enfant. Je sens qu'il est magnifique. Ouais, tu vois comme il soigne l'autre. Ricardo, comme l'animal est blessé et qu'il recule, tu as l'occasion d'agir avant lui. Que fais-tu? Tu vois que l'alchimiste court derrière toi. Je vais ranger mon épée et je vais sortir ma très grande pertuisane. Rappelons que tu es la plus grande pertuisane. Ma pertuisane est toujours la plus grande. Et je vais essayer d'achever ce monstre avec ma pertuisane. Du coup, combat à distance. Et je fais 65. Pour 55. Donc j'ai raté. Tu rates, d'un coup il te désarme et ta pertuisane s'envoie voler dans le décor. Oh non, la pertuisane, nul. Pour ce combat, tu ne l'as plus. On est déçu. Pour aller la rechercher si t'as le temps dans les forêts. Est-ce que je peux balancer ma fiole? Ah oui, si t'étais à distance, donc t'es pas vraiment devant. C'est bon. Parce que par expérience d'alchimiste, tu sais que en fait, tu secoues la potion avant de la lancer. Ouais. Plus tu secoues, plus elle sera puissante. Ok. Bah, je la secoue à donf, quoi. D'accord. Non, mais si, ne rate pas ton jet de dé. Ah oui, d'accord. Oui. Non, mais là, il y a quand même une grosse bête, là. Faut s'en débarrasser. Et c'est quoi que je dois faire comme jet? Un jet de combat à distance. C'est un lancer. Ah oui, d'accord. Donc, je suis à 65. J'arrive, Ricardo, j'arrive. Et je fais 20. Ok, donc c'est un magnifique lancer. En cloche, un petit peu. Et alors, les dégâts, t'as le droit à 2d20 et tu gardes le meilleur score. Bordel. Parce que c'est la première partie. 18. 18. Bim. Le truc prend feu immédiatement et explose. La bête explose. En un quart de seconde, c'était une énorme grenade. Magnifique tiro. Goal. Tu te protèges avec ton bouclier, Ricardo. Tu prends des morceaux de viande cuite sur la tête. Il y a même un morceau qui... C'est peut-être la mâchoire de l'animal qui atterrit en plein sur le corps de Belette Masquée, juste devant toi. Qui crache son dernier cri, quoi, littéralement. Achevé par ce morceau de Orizia, là. Du coup, j'en profite pour lui faire les poches, discrètement. Au mec, il s'appelle comment déjà en fait? Belette masquée. Alors tu trouves 5 pièces d'argent. Waouh! Et une dague, mais tu en as déjà une. Tu peux noter que t'as une deuxième dague. J'ai deux dagues, cool. Est-ce que le fermier là. Oui, il est vivant. Il est à genoux, ah oui, il vous remercie, c'est fantastique, merci. Comment il s'appelle lui? Il s'appelle Donnie Darko. Donnie Darko est maintenant. Non, Danny Darko. Danny Darko, il y a une demande très importante pour vous. Oui. Allez, s'il vous plaît, ramassez ma pertuisane. Parce que vous avez vu où elle est partie, moi je ne l'ai pas vue. Allez chercher où ma pertuisane, s'il vous plaît. Oui, merci, tout ce que vous voulez. Bah, tout ce que vous voulez, vous m'avez aidé, c'est formidable. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, tout ce que vous voulez. Il va chercher ta pertuisane dans les forêts et te la ramène. Très bien. Alors, pendant qu'il est en train de chercher. Oui. Je te commence à te connaître, regarde. Et les collègues, il y a pas mal de conchos dans cette ferme. Ça vous dit d'en mettre un des côtés pour nous? De leur prendre leurs pattes. Prendre des pattes de cochon. Exactement. Putain. Faut faire du stock. Oui, non, c'est une excellente idée, Ricardo. Mais peut-être on peut demander. Le fermier a l'air de bien nous aimer. Pendant que tu es en train de dire ça, il est déjà en train de découper le cochon le plus proche. D'accord. Vous pouvez tout simplement lui demander. Le fermier revient et voit que t'es en train de couper un cochon. Mais... Et celui-là, il faut l'achever. Il avait été mordu par la créature. Oui, c'est vrai. De toute façon, oui, il m'en reste encore quelques cochons. D'ailleurs, je peux vous offrir un cochon si vous voulez. Je vous l'offre, un cochon vivant. Vous pouvez l'emmener avec vous. Non, ça va pas être galère. Vous pouvez le revendre à Valcouleur. C'est juste à côté. C'est la prochaine ville. Est-ce que on peut monter dessus? Sur le cochon? Non, c'est pas un cochon. Il est très gros, mais bah, tu seras ridicule. Mais... C'est pas un cochon de combat. Et il est... Tiens, bah, il est là, il s'appelle Saucisse. Ah ouais, on prend Saucisse. Il accepte votre cadeau avec plaisir. Il y a quand même beaucoup de jours de repas sur Saucisse. D'accord. Et il vous dit même, Danny Darko, allez voir le seigneur de Valcouleur et il va vous récompenser. Le Rizial, ça fait des mois qu'on le recherche dans la région. On doit ramasser la tête et la remporter avec nous pour montrer qu'on l'a tué. Tu peux ramasser ce qui reste de la tête, oui. Donc tu trouves la mâchoire, le crâne un petit peu. Il reste un bout, la moitié de la tête avec de la chair. D'accord. Donc du coup, passez ça. Et Mouche, comment ça va notre copain? Comment va Belette Masquée? Bah, alors, j'ai discuté avec lui, il m'a offert sa dague et 5 pièces d'argent. Et juste au moment qu'il m'a donné mon cadeau, ça a fait un gros boom derrière, je sais pas. Et il y a une mâchoire qui est tombée sur... pas très loin de chez moi. J'ai esquivé, mais mes belettes masquées se l'est pris... Ah, oh, pauvre belette. Thierry, ta potion était clairement trop puissante. Les victimes... Ça m'arrive tout le temps, je comprends tout à fait. Oh mon Dieu, donc c'est de ma faute. C'est de ma oui, faute. Oui, c'est pas ma faute, c'est ta faute. C'est pas moi, je te jure, c'est pas moi, c'est toi. Je vais devoir vivre avec cette mort sur la conscience, cette mort de Belette. Belette qui était un ami depuis 3 jours. Aïe. C'est monstrueux ce qui se passe. Non, mais je vais m'en remettre. Bon, bah tant pis, bah, on va à Valcouleur alors, messieurs. Voilà, on est équipés, on a un cochon, on sait où faut aller. Tiens, montre-moi le parchemin, Mouche, je ne l'ai même pas consulté. Donc ça, c'est la lettre qu'on doit donner à Fatima Velasquez, c'est ça? Oui, bah oui, je ne connais pas cette écriture. De sens, je crois que... en fait, vous connaissez cette écriture sans pouvoir la lire, c'est parce que vous avez comme au moins l'alchimiste. C'est l'écriture du sultanat d'Aqaba, qui est tout à l'ouest. Ouais, ça sent le sultanat, ça. Hein. Ouais. Le sultanat. Le sultanat d'Aqaba. Bah, vous voyez, Aqaba, quoi, de l'autre côté de la mer de la morsure, tu vois. Je connais Akadok, mais Aqaba, non. Donc, bah ouais, bon, en route pour Valcouleur, les gars. Vous avez plus de blessés à transporter. Avant de partir, Don Hidalgo, comment il s'appelle? Don Hidalgo. Est-ce que vous savez lire cette écriture par hasard? Oh là, non. mais c'est pas de chez nous, ça. Il a essayé. C'est pas bête, il fallait essayer. Vous reprenez la route vers Valcouleur. Et enfin, vous voyez, en fait, Valcouleur est construite sur une colline. Et c'est une ville magnifique, formidable, pleine de mystères que vous découvrirez dans le prochain épisode de la JDR Academy. Oh, on a trop hâte. On se retrouve très très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao. Bah vivement la suite, hein. Ciao. Moi en ce moment je fais de l'open world aussi, je joue à Red Dead Redemption 2. Ah oui, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Bah je me fais pas chier à me balader, hein. Je fais que les missions. Parce que c'est trop grand sinon. Hein. D'accord. Trop de choses à faire. Parfois je vois bien que le jeu essaye de m'emmener ailleurs. Avec quelqu'un qui passe devant moi. Oh mon dieu, je suis en train de me faire braquer par un indien, je sais pas quoi. Mais hop, je l'ignore totalement. Et je file faire ma mission. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien jouer. Tu défends pas la veuve et l'orphelin. Absolument pas.